On va passer peut-être à la chronique de Doris et Vincent Deroguin. Exactement, et aujourd'hui, Vincent Deroguin va nous parler de Walter Smetak. Vincent Deroguin, les livres qu'il trouve bien. Bonjour Doris. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle Smetak's Inventions. Smetak, Walter Smetak, c'est un compositeur suisse. C'est un compositeur suisse, même si je pense que c'est pas pour la Suisse qu'il est connu. Il est principalement connu pour avoir habité au Brésil. C'était vraiment sa patrie d'adoption, mais plus que juste un pays, ça a été vraiment un lieu super important philosophiquement, symboliquement pour lui. Et effectivement, ouais, il est né à Zurich en 1913, donc ça fait de lui quelqu'un d'assez âgé déjà, lorsqu'il commence à être connu dans les années 60. Et il est assez connu pour avoir publié deux disques qui sont assez intrigants parce que c'est des musiques qui sont parfaitement étranges à l'oreille parce que c'était des accordages absolument spéciaux sur des instruments qu'il inventait lui-même. Oui, il créait ses instruments. Et alors, je me demandais, c'était quel genre de musique ? Parce que en même temps, c'était du classique, parce que sur les images, il y a un chef d'orchestre, il y a un orchestre et tout. Sauf que, vu que c'est pas du tout des instruments classiques comme le violon, le piano, etc., c'était des instruments qu'il inventait, est-ce qu'on considère ça encore du classique ? Non, je crois pas. On peut dire que Smetak venait du monde de la musique classique, mais il a été particulièrement marqué par l'instrumentarium de la musique traditionnelle brésilienne, le berimba et ouais, tous ces instruments qui sont des instruments assez assez simples finalement et que avec un peu de quelques outils on peut un peu faire nous-mêmes presque. C'est des cordes, une caisse de résonance, un manche. Et c'est des instruments qui sont frappés, qui sont joués avec des archets. Certains instruments sont pincés avec des plectres. Et Smetak, lui, il était dans une recherche autant d'une forme de radicalité moderne, enfin, liée au courant du modernisme musical dès les années 30, 40, comme ça. Il émigre au Brésil en 1937 et il devient professeur de musique à Bahia. Donc il a un job de professeur de 1957 à 1984 là-bas, ce qui lui permet en fait de s'adonner à tout type d'expérimentation de son côté, tout en ayant un poste fixe qui lui ramène des revenus. Il a en ce sens une forme de liberté. Et il décide de se lancer en fait dans la création d'un orchestre d'instruments tout à fait spéciaux, tout à fait curieux. Visuellement, ils ont aussi des formes, c'est vraiment autant des choses à regarder qu'à écouter. Ces disques sont très spéciaux. Il avait aussi une philosophie liée à l'accordage des instruments pas du tout standard, avec vraiment une conception toute particulière du rapport entre les notes et des vibrations. Et ce rapport aux vibrations, il était aussi très fortement influencé par une spiritualité alternative, en l'occurrence la théosophie, qui est un courant de pensée qui a vraiment émergé. Enfin, il y a une première théosophie qui vient de l'époque plutôt de la médiévale tardive et de la Renaissance. Et après, au 19e siècle, il y a une nouvelle théosophie, la société théosophique, qui a émergé. Et Smetak a fait partie pendant des décennies, en fait, d'une société théosophique au Brésil qui ont une conception du monde absolument particulière, et lui, ça fait vraiment partie de ses plus importantes sources d'influence. C'est une conception très très particulière des lois de l'univers, de pourquoi on est ici et où on va. Il est aussi célèbre pour avoir eu des élèves célèbres. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles maintenant on connaît son nom, parce que sa musique est vraiment très particulière, et c'est pas du tout quelque chose, c'est quelque chose de réservé à vraiment à quelques personnes qui s'intéressent à cette petite niche. Mais parmi ses élèves, il a eu toute une génération de musiciens, et particulièrement des musiciens, pas tellement des musiciennes, mais particulièrement des musiciens et compositeurs brésiliens qui ont été au centre du mouvement Tropicalia dans les années 60. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé. Et c'est vraiment à partir de là que beaucoup des conceptions expérimentales qui ont infusé dans les disques Tropicalia sont nées. Caetano Veloso et Gilberto Gil l'admettent à 100%. Ils ont écrit les notes de pochette de certains disques de Smetak, et ils reconnaissent énormément l'influence de Smetak sur leur conception musicale, notamment le fait d'employer des instruments originaux et spécifiques à la musique, et qu'on écoute certains disques de Caetano Veloso et on écoute en parallèle les disques de Walter Smetak. Le parallélisme, il est frappant, quoi. J'ai aussi trouvé que c'est vrai que les instruments sont super beaux, mais aussi super colorés. Par exemple, il y avait un tambour brodé et en fait, ils ont carrément été exposés. Oui, alors depuis sa mort, je crois que son travail a été un peu redécouvert. Il y a beaucoup de gens qui se sont passionnés pour aussi l'aspect visuel de ces instruments comme création vraiment en tant que telle, au-delà du son qu'ils produisaient. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'aspect coloré de sa musique, il me semble, je ne connais pas de fond en comble le travail de Smetak, mais il me semble qu'il y avait aussi toute une théorie sur les couleurs. Et je crois que la théosophie, comme d'ailleurs l'anthroposophie qui provient de la théosophie, l'anthroposophie de Rudolf Steiner avait aussi développé toute une série de notions autour de la colorimétrie. Et il me semble que Smetak avait aussi une vision assez spécifique sur les couleurs et le spectre des couleurs et sur les vibrations des couleurs, la vibration des sons. C'était des choses qui n'étaient pas laissées au hasard. Mais ça mérite vraiment d'être vu et d'être regardé, ces instruments, en tant que création en tant que telle. Et sa musique, elle est vraiment très spéciale. Moi, je la trouve fascinante, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui demande aussi un effort pour rentrer dedans. En tout cas, c'est un très beau catalogue publié en anglais et en allemand. Au revoir, Vincent. Au revoir, Doris.